et déesse. On godille en souplesse. On se bouscule sans complexe. On se gonfle, on se perce. On se touche, on se fait des caresses. On se fait des promesses. Sans finesse, on se teste, on se déteste, on lance des SOS. On s'excuse, on régresse, on tombe, on se redresse. On repart SMS. À la même adresse, mais on n'a pas le même GPS. On se croise et on s'intéresse, on se sourit par politesse. On se touche, on se fait des caresses, on se fait des promesses. On se laisse, on se délaisse, on se rhabille en vitesse. On part SMS. Quelle prouesse. Sans finesse. On s'indigne, on proteste, on s'insulte, on s'agresse. On se brise, on se vexe, on tombe, on se redresse. On rompt par SMS. On se dépresse, on lance des SOS.